On était au 22 novembre. Le départ suprême devait avoir lieu 10 jours plus tard. Une seule opération restait encore à mener à bonne fin. Opération délicate, périlleuse, exigeant des précautions infinies. Charger la Columbiad et y introduire les 400 000 livres de fulmi-coton. Barbicane avait à cœur de réussir et de ne pas échouer au port. Il choisit donc ses meilleurs ouvriers. Il les fit opérer sous ses yeux. Et d'abord, il se garda bien d'amener tout son chargement à l'enceinte de Stone Hill. Il le fit venir peu à peu dans des caissons parfaitement clos, divisés en paquets de 500 livres, ce qui faisait 800 grosses gargousses confectionnées avec soin par les plus habiles artificiers. Chaque caisson pouvait en contenir 10 et arriver l'un après l'autre par le railroad de Tampa Town. Pour préserver ces mâts de fulmi-coton contre les ardeurs du soleil, même en novembre, on travaillait de préférence pendant la nuit. Là, les gargousses étaient rangées avec une parfaite régularité et reliées entre elles au moyen d'un fil métallique destiné à porter simultanément l'étincelle électrique au centre de chacune d'elles. En effet, c'est au moyen d'une pile que le feu devait être communiqué à cette masse de fulmi-coton. Le 28 novembre, les 800 gargousses étaient disposées au fond de la Columbiad. Vainement, le président Barbicane avait défendu l'entrée de Stone Hill. Chaque jour, les curieux escaladaient les palissades et quelques-uns, poussant l'imprudent jusqu'à la folie, venaient fumer au milieu des balles de fulmi-coton. Maston le secondait de son mieux, faisant la chasse aux intrus avec une grande vigueur. Enfin, comme il y a un dieu pour les artilleurs, rien ne sauta et le chargement fut mené à bonne fin. Restait à introduire le projectile dans la Columbia et à le placer sur l'épaisse couche de fulmi-coton. Mais, avant de procéder à cette opération, les objets nécessaires au voyage furent disposés avec ordre dans le wagon projectile.